Ils ont dit que c'est cliché. Si on dit à l'autre, je te décrocherai la lune. J'suis pas bon pour jaser comme les 12 apôtres. Je te ramènerai le croissant dans la Volkswagen de mon père. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Lui écrire une lettre, puis verser une larme sur le papier. J'suis un peu comme Dylan, j'suis pas un beau poète. J'te chanterai une toune avec les deux pieds dans la rivière. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Ça a pas de classe de se mettre tout nu pis d'avouer tous ses sentiments. Bon, ok, j'ai pas de classe, je veux te vomir dessus pis tout ce qui me bouillonne par en dedans. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face.